Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. C'est une étrange coïncidence. Un demi-siècle avant Edward Snowden, deux lanceurs d'alerte, des whistleblowers, comme les nomment les Américains, ont eux aussi publiquement dénoncé les méthodes d'espionnage de leur pays, en particulier celles de la NSA. Et ils ont fini par se réfugier à Moscou, tout comme Snowden aujourd'hui. Et encore, comme Snowden, ils ont été accusés d'être des traîtres par l'administration états-unienne. Il faut aussi observer que l'affaire Martin et Mitchell, du nom de ces deux lanceurs d'alerte, a entraîné de graves conséquences pour les services de renseignement américains et même provoqué un véritable scandale. Certes, le contexte historique était différent puisqu'on était alors en pleine guerre froide, mais on ne peut pas s'empêcher d'être frappé par la coïncidence. C'est pourquoi Monsieur X a décidé cette semaine de revenir sur l'histoire très étonnante de ces deux jeunes Américains qui, exactement comme Snowden, ont agi par idéalisme et n'ont pas cherché à en obtenir un quelconque intérêt personnel. Des idéalistes donc, et également des naïfs, comme semble l'être aussi Snowden. Une observation d'abord. En avril dernier, le prestigieux prix Pulitzer a récompensé le Guardian et le Washington Post, les deux quotidiens britanniques et américains qui ont relayé les révélations de Snowden sur les programmes de surveillance de la NSA. Un prix qui leur a été remis car ces journaux ont, je cite, « contribué à stimuler le débat sur l'équilibre entre le respect de la vie privée des citoyens et leur sécurité ». Et ce faisant, ils ont donc rendu un service public méritoire. Oui, c'est donc aussi une sorte de reconnaissance spectaculaire de l'action d'Edward Snowden. En effet, mais il n'empêche que le lanceur d'alerte risque toujours d'être emprisonné s'il se décidait à revenir aux États-Unis. Mmh. En dépit, par conséquent, des mérites qui lui ont été reconnus par les promoteurs du prix Pulitzer. Ah ben, c'est pourquoi Snowden, empêché de rentrer chez lui, se trouve toujours à Moscou. Mais si vous permettez, dans un prochain entretien, je reviendrai longuement sur l'affaire Snowden et ses conséquences. En attendant, il faut noter que Martin et Mitchell, ces deux premiers lanceurs d'alerte, comme on dit aujourd'hui, n'ont, eux, obtenu aucune reconnaissance. Bien au contraire, victimes d'une formidable campagne de dénigrement, ils ont été traînés dans la boue. Alors, voyons cela plus précisément. On pourrait peut-être commencer par évoquer cette fameuse NSA qui a été mise en cause dans les deux affaires. Quand a-t-elle été créée et dans quelles conditions? La NSA, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité, a longtemps été le service de renseignement le plus mystérieux des États-Unis. Des petits malins lui ont même attribué des surnoms assez révélateurs. Pour certains, les trois lettres NSA signifieraient « Never say anything », c'est-à-dire « Ne dites jamais rien ». Et pour d'autres, ce serait « No such agency », qu'on pourrait traduire ainsi « Une telle agence n'existe pas ». Et c'est vrai que l'existence même de la NSA est passée inaperçue pendant de longues années. Alors, sa création... Oui, et pourquoi cette création ? La décision de créer une telle structure remonte sans doute à la mauvaise surprise de Pearl Harbor en décembre 1941. Les autorités américaines ont alors pris conscience de leur incapacité à percer les codes de communication de l'aviation japonaise. Toutefois, il faudra attendre 1952 pour que le président Truman prenne secrètement la décision de créer la NSA. Secrètement. Dès le départ, la NSA est donc un organisme secret, oui. Le Congrès n'a même pas été consulté. Et ses objectifs, alors ? Il s'agit de centraliser les mécanismes de recueil des renseignements et de décryptage. Et il est certain que les Américains ont tiré les leçons de la guerre de Corée, au cours de laquelle ils ont constaté de réelles défaillances dans leur capacité d'écoute. La nouvelle agence doit donc se consacrer entièrement aux renseignements d'origine électromagnétique. Notons au passage que les Américains avaient déjà une certaine expérience en la matière. C'est-à-dire ? Au printemps 1945, lors de la conférence internationale de San Francisco, qui devait donner naissance à l'ONU, le président Roosevelt avait ordonné aux compagnies de téléphonie et de télégraphie américaines d'intercepter et de communiquer à Washington toutes les correspondances des délégués. Ce pratique aujourd'hui la NSA en obligeant les grands organismes de communication à collaborer avec elle. C'est exact. Autre point important. Avant même la création de la NSA, il existait en Grande-Bretagne un organisme semblable, le GCHQ. C'est-à-dire en bon français, le quartier général des communications du gouvernement. Dès 1919, Londres avait institué une école de cryptographie. Souvenez-vous, je vous en ai parlé quand j'ai évoqué les travaux d'Alan Turing. Ouais, le génial mathématicien qui a permis de percer le secret des machines allemandes à coder Enigma. Et qui a aussi été un pionnier de l'informatique. Turing a permis à son pays d'accomplir de grands progrès en matière de cryptographie. Alors que ce domaine, au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale, était dominé par la Russie et la France. Est-ce que dans cette mesure, on peut dire que Turing a joué un rôle indirect dans la création de la NSA ? Ce n'est pas tout à fait faux, car ce sont les Britanniques, forts de leur expérience acquise pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont formé leurs homologues états-uniens. Ça s'est d'ailleurs traduit par la signature en 1947 d'un traité secret entre les deux pays, l'UQSA. Oui, pour United Kingdom et USA. C'est ça. Américains et Britanniques entendaient alors améliorer l'efficacité de leurs échanges quant à l'interception des communications émanant du bloc soviétique. Ouais, une sorte de mutualisation des moyens. Et cet acronyme passe d'ailleurs sous silence la coopération avec d'autres États anglophones, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les Five Eyes, comme on va les appeler. Ouais, les cinq yeux. Ouais, un gigantesque réseau d'espionnage électronique qui couvre déjà le monde entier en raison de la situation géographique des pays liés par ce traité. Mais les autorités américaines font d'abord un usage interne de leur nouvel outil d'espionnage électronique. C'est l'opération Shamrock qui vise à intercepter la quasi-totalité des communications arrivant et partant des États-Unis avec la complicité des plus importantes agences de télécommunications comme ITT, Western Union, RCA. Ces firmes fournissent des copies sur bande magnétique de l'intégralité des communications leur parvenant. Alors déjà, les autorités américaines espionnent donc leurs propres citoyens. Oui, c'est parfaitement exact. Mais il ne faut pas oublier que pendant les années 1950, les États-Unis sont obsédés par le danger communiste. Oui, c'est l'époque du McCarthyisme. Enfin, ça, j'y reviendrai. En tout cas, c'est bien sûr la toute jeune et secrète NSA qui coordonne l'opération Shamrock. Chaque jour, les compagnies que j'ai citées envoient leurs bandes magnétiques au QG de l'agence à former dans le Maryland. Des copies sont effectuées et les originaux sont renvoyés dans la journée à New York. Cependant, à partir de 1966, pour éviter ces allées et venues, la CIA procurera à la NSA une base secrète à New York où il sera possible de confectionner un double des bandes. Mmh. Et l'espionnage vers l'étranger, alors ? Il est évidemment primordial. Dès sa création, la NSA collabore étroitement avec l'armée américaine, et en particulier avec l'US Air Force. Les avions espions. Oui, des avions truffés d'appareils électroniques qui pénètrent dans l'espace aérien soviétique pour enregistrer la réaction des systèmes radars, les communications des batteries sol, air et les mouvements des avions chargés de défendre l'URSS. Des opérations très dangereuses. Forcément, car Moscou n'est pas sans réagir à cette violation de son espace aérien. Les appareils américains doivent souvent affronter la DCA soviétique ou les attaques des chasseurs. Au total, 13 avions seront abattus. Et puis il y aura la destruction de l'avion espion U-2, là, piloté par Gary Powers. En mai 1960, oui. Le pilote américain qui a réussi à s'éjecter est capturé. Et le Kremlin exploite aussitôt l'incident. Mais finalement, après un procès, Powers sera échangé avec le maître espion soviétique Rudolf Abel. Ouais. Et c'est donc alors la NSA qui recueille et analyse ces renseignements fournis par l'US Air Force. Oui, le but de ces incursions de reconnaissance consiste à acquérir une parfaite connaissance des modes et procédures de défense de l'URSS en vue de préparer une attaque nucléaire préventive sur son territoire. Ouais. Préventive, ça signifie par conséquent qu'il était alors envisagé d'ouvrir le feu nucléaire avant même d'être attaqué. C'est exactement ce que préconise le général Curtis LeMay, qui est alors le directeur du Strategic Air Command, c'est-à-dire le patron de cette flotte de bombardiers qui constitue la principale force de dissuasion des États-Unis. Oui, des appareils qui sont mobilisés en permanence, prêts à intervenir. En effet, ce général LeMay est un faucon. Classé très à droite, sinon à l'extrême droite, il est persuadé que l'URSS attaquera tôt ou tard. Donc, il faut prendre l'initiative. Une initiative qu'il a d'ailleurs chiffrée à partir des analyses de la NSA. Selon lui, il faudrait larguer 170 bombes nucléaires sur 70 villes soviétiques durant 30 jours pour anéantir toute véhélité de riposte. Mais ce Lemay, là, c'est le docteur Folamour. Enfin, on n'en était pas très loin, oui. C'est sous son autorité, avec le concours de la NSA, qu'on a mis au point, entre mars et mai 1956, l'opération Homerun. De quoi s'agissait-il ? De collecter de précieuses informations sur les capacités antiaériennes russes en Arctique. Une opération d'importance est tout aussi risquée. Les bombardiers américains ont effectué près de 45 vols de reconnaissance depuis la base de Thule, au Groenland. Ouais. Et conclusion ? Pour LeMay et ses officiers, il était certain que les Soviétiques étaient incapables de se défendre contre une attaque venant du Nord. C'était le point faible de Moscou. Et pour LeMay, partisan de l'attaque préventive, c'était bien évidemment là qu'il fallait conduire l'offensive. Mais c'est une perspective qui a paru suffisamment effrayante à quelques agents de la NSA pour les décider à prendre les devants et donc à dénoncer le jusqu'au boutisme de leur chef et les nombreuses manœuvres illégales dont ils se rendaient coupables. Ah oui, alors on va retrouver là ces deux lanceurs d'alerte dont vous voulez parler. Oui, William Martin et Bernard Mitchell, les deux courageux prédécesseurs d'Edward Snowden. Pour Olivier Boiseux, l'opération Homerun a été l'une des plus secrètes et les plus risquées de toute l'histoire de l'espionnage. Il en révèle le détail dans son ouvrage « Espionnage et technologie » extrait. Une fois en l'air, les bombardiers américains fonctionnent en tandem, tandis qu'un RB-47H, spécialisé en renseignement électronique, renifle la présence éventuelle de radars, un RB-47E mitraille le sol de ses appareils photographiques. En retrait, un KC-97, véritable citerne volante, assure le ravitaillement en vol. Consigne absolue, pas un mot à la radio tant que dure le vol. Presque chaque jour, durant 7 semaines, 8 à 10 RB-47 vont ainsi survoler divers objectifs, bases aériennes, stations de radar présumées, sites de missiles, etc. Sans oublier l'île de Nouvelle-Zemble, où étaient conduits les programmes nucléaires les plus secrets. Apothéose de ce séjour au Groenland, le 6 mai 1956, 6 RB-47E armés se livrent à un raid en plein jour en conditions quasi réelles, pénétrant dans l'espace aérien soviétique par la Sibérie occidentale. Ils mettent le cap à l'est pour se poser 12 heures plus tard, sans encombre, sur la base américaine de Wilson, en Alaska. Le livre de Voiseux a été publié par Nouveau Monde. Quels sont ces deux hommes-là qui vont dénoncer les errements de la NSA ? Le premier, William Hamilton Mantin, grandit dans le milieu conservateur de l'État de Washington. C'est-à-dire à l'ouest des États-Unis. Son père, John, est un notable président d'une chambre de commerce. Le jeune homme est donc élevé dans une famille très patriotique. William manifeste très tôt d'incontestables aptitudes pour les mathématiques. Il est même brillant, à tel point qu'il termine ses études secondaires en 2 ans au lieu de 3. Puis en 1947, après avoir obtenu un diplôme de maths à l'université de Seattle, il s'engage dans la Navy. Ouais. Une vocation ? Sans doute, car il sait que la marine va lui permettre de suivre une formation de cryptographie. Et à l'issue de celle-ci, il est envoyé en poste au Japon, où au début des années 1950, il rejoint une station radio d'interception du groupe de sécurité navale. Il s'initie donc à l'espionnage électronique. Un secteur sensible à l'heure de la guerre de Corée. Et c'est au sein de cette structure qu'il fait une rencontre décisive, celle de Bernon Mitchell, un Californien de San Francisco qui a étudié à l'Institut de technologie. Les deux jeunes gens deviennent vite inséparables. C'est de l'amitié ou un peu plus ? Je vois ce que vous voulez insinuer. On en reparlera, car plus tard, les rapports entre les deux amis donneront lieu à maintes calomnies. Quoi qu'il en soit, à la fin de son engagement, en 1954, Martin reste 1 an de plus au Japon, toujours au sein du groupe de sécurité navale, mais à titre civil. Puis, lorsqu'il revient aux États-Unis, il reprend des études de maths à l'université. Et Mitchell ? Lui, il est rentré plus tôt et a commencé un cycle d'études en mathématiques à Stanford. Quelques temps plus tard, en 1957, les deux amis se retrouvent. Ils sont engagés par la NSA à Fort Meade en tant que cryptographes. Leur travail consiste donc à déchiffrer les communications secrètes captées par les grandes oreilles du service de renseignement. Et quel est le profil psychologique des deux amis hein ? Mitchell semble plus sociable et extraverti que Martin. Il fait de la musculation, joue du piano, pratique le tir au pistolet. Au contraire, Martin, excellent joueur d'échecs et collectionneur de manches d'épées japonaises, est un sujet introverti, anxieux. C'est un solitaire qui entretient des relations compliquées avec sa famille. Un rapport de la NSA lui attribuera des tendances schizophréniques. Et même une attirance pour le sadisme. Enfin, prudence, ce rapport a été rédigé après le scandale de la défection des deux hommes. Ouais, donc la NSA a noirci le tableau. C'est certain. En 1959, Martin remporte une bourse de la NSA pour accomplir un master de maths à l'université de l'Illinois, où il se révèle le meilleur de sa promotion. Parallèlement, il prend des cours de langue russe et fréquenterait des membres du Parti communiste. Mais il s'agit encore certainement d'une allégation mensongère de la NSA au milieu de beaucoup d'autres contenues dans ce rapport que j'ai évoqué. Et qui n'a d'ailleurs été déclassifié que dans les années 2000. Ouais, mais qui trouve-t-on encore ? La NSA a bien sûr essayé d'expliquer à sa façon la défection de ses deux employés. Alors je résume. Martin et Mitchell étaient égocentriques, arrogants, infatués d'eux-mêmes. Ils estimaient que leur place dans la société était en deçà de ce qu'ils méritaient. Assurés de leur haut niveau intellectuel et de leur talent, ils n'auraient jamais obtenu la reconnaissance qu'ils méritaient en tant que jeunes scientifiques prometteurs. Mais lorsque la NSA les a recrutés, ces psychologues-là n'auraient pas vu clair ? Ça, vous avez raison, ça paraît douteux. Surtout si on tient compte de la nature très particulière du travail effectué à la NSA. Ouais, le secret imposé à ses collaborateurs. Bien évidemment. Ouais. Alors malgré tout, y a-t-il une petite part de vérité dans ce rapport rédigé à la NSA ? Oui, enfin, d'après leurs proches, les deux hommes appréciaient de moins en moins leur travail. Ils laissaient entendre qu'un jour, ils partiraient. Et ce désenchantement avait quelle origine ? Ce qui choquait Martin et Mitchell, c'était essentiellement les incursions aériennes secrètes d'avions espions au-dessus du territoire soviétique. Car ils pensaient, non sans raison, que ces manœuvres illégales pouvaient un jour déclencher l'apocalypse nucléaire. Et on a la preuve qu'ils étaient réellement inquiets. La preuve, mais comment ? Les deux amis ont d'abord tenté d'alerter un représentant démocrate du Congrès, Wen Heiss. Mais ils n'ont pas été entendus par ce parlementaire. Parce qu'il ne les a pas pris au sérieux ? C'est vraisemblable. Ou alors il n'a pas eu le courage de chercher à en savoir plus sur une affaire aussi délicate. Oui, la politique de l'autruche. Oui, et ça a précipité la décision des deux jeunes gens. En décembre 59, Mitchell prétexte un départ en vacances. Il part au Mexique et se rend tout droit à l'ambassade de l'URSS à Mexico afin d'y demander l'asile politique pour lui et son camarade Martin. Avec quelle justification hein? Bah, non, sans naïveté. Il évoque des raisons idéologiques et morales. Mmh. Réaction des Russes? Le résident du KGB essaie de le convaincre qu'il serait plus utile en demeurant au cœur de la NSA. Ouais, c'est-à-dire en devenant une taupe. Oui, mais Mitchell ne veut rien savoir. Il tient à émigrer à Moscou avec son camarade. Et une fois arrivé en URSS, les deux hommes déballeront tout ce qu'ils savent sur la NSA. Oui, il y avait quand même de quoi appâter les Soviétiques. Hein. C'est évident. Et quelques mois plus tard, en juin 1960, après avoir passé 3 ans à la NSA, les deux amis sautent le pas. À nouveau, sous prétexte de prendre 3 semaines de vacances, il s'envole pour la Nouvelle-Orléans, puis gagne Mexico avant de rejoindre Cuba. Puis en juillet, ils embarquent sur un bateau à destination de l'URSS. Mmh. Leur fuite a donc été préparée par le KGB hein? Bah, bien entendu. À la NSA, on ne commence à s'inquiéter qu'un mois plus tard. Des agents se rendent au domicile de Mitchell et découvrent, bien en évidence, la clé d'un coffre-fort bancaire. Les gens de la NSA vont donc l'ouvrir. Et à l'intérieur, ils trouvent une longue explication écrite sur la défection des deux hommes et leur motivation. Et le 1er août 1960, le Pentagone annonce prudemment que Martin et Mitchell ne sont pas revenus des vacances d'été qu'ils ont passées ensemble. Mais il faut encore attendre 4 jours. Pour que les autorités déclarent qu'il existe une forte probabilité pour que les deux hommes soient partis de l'autre côté du rideau de fer. Mmh. Évoque-t-on déjà les conséquences de leur fuite à l'Est ? Oui, le ton est donné d'emblée. Ces hommes sont en possession de secrets d'État très sensibles et connaissent des codes militaires et diplomatiques. Donc, ils sont susceptibles de donner à Khrouchtchev un avantage certain dans la compétition entre les deux supergrands. Et ce sont donc des traîtres. Et un mois plus tard, Martin et Mitchell confirment même qu'ils se trouvent en URSS. Ils donnent une conférence de presse à Moscou devant le gratin des journalistes soviétiques et les correspondants des journaux du monde entier. Une conférence qui a, bien sûr, été minutieusement préparée par le KGB. Et que disent-ils ? Annonçant qu'ils ont obtenu l'asile politique et même la nationalité soviétique, ils justifient leur défection. Mitchell déclare que lui et Martin étaient dégoûtés par la nature trompeuse de la supposée démocratie américaine. Puis ils divulguent tout ce qu'ils savent sur les activités de renseignement de la NSA depuis sa création. Une agence quasi inconnue, mais qui espionne les communications secrètes de presque toutes les nations de la planète, y compris les alliés des États-Unis. Mmh. Ils donnent des détails précis ? Oui, ils affirment que les autorités américaines recrutent des agents au sein du personnel diplomatique de ses alliés et ont corrompu un employé du code travaillant dans une ambassade amie, celle de la Turquie. Ils évoquent aussi les vols espions au-dessus de l'URSS. Pire, ils déclarent que Washington utilise secrètement des moyens financiers et militaires afin d'obtenir le renversement de gouvernements considérés comme inamicaux. Ouais, ce qui a été effectivement le cas, par exemple, en Amérique du Sud. Mais c'est quand ils expliquent leur motivation que l'on comprend mieux leurs gestes. Pour les deux hommes, la politique états-unienne est un danger pour la paix mondiale. Et ils font référence à un récent discours prononcé par le commandant en chef de l'armée de l'air, le général Thomas Powers. Que disait-il, lui ? Il évoquait le formidable avantage d'attaquer le premier. Ah ben, tout comme ce général Lemay. Oui, les deux fuyards accusaient donc les dirigeants de leur pays de mener une politique suicidaire et de préparer la guerre. Parce que ceux-ci considéraient, au fond, que le monde appartenait aux États-Unis. Et la réaction de ces mêmes dirigeants-là ? Dès le lendemain de cette conférence de presse, la Maison-Blanche dénonce les traîtres. Et pour l'ex-président Truman, Martin et Mitchell méritent d'être fusillés. C'est l'amorce d'une extravagante campagne de désinformation calomnieuse. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant de voir la suite, voyons quelles ont été concrètement les conséquences techniques des révélations des deux transfuges. Et ici, il faut observer que de part et d'autre, on a tenté de les minorer. À Washington, on s'est empressé de déclarer que Martin et Mitchell n'avaient pu dévoiler de secrets de haut niveau car ils n'avaient jamais travaillé dans les services de renseignement les plus sensibles de la NSA. Et si j'en crois Andrew et Mitrokhin, les auteurs de l'ouvrage « Le KGB contre l'Ouest », les experts de Moscou, je cite, « auraient été déçus par le manque de connaissances cryptanalytiques approfondies des deux transfuges de la NSA. Le renseignement majeur qu'ils apportent du point de vue du centre est la confirmation que la NSA échoue à déchiffrer les communications soviétiques de haut niveau. » Une bonne nouvelle contrebalancée par le fait que, de son côté, le KGB ne s'en sort guère mieux avec le chiffre américain. Mais si l'apport de Martin et Mitchell a été si peu important, on peut se demander pourquoi les soviétiques leur ont immédiatement servi une rente mensuelle confortable et beaucoup d'autres avantages matériels. Savez-vous ce qu'était le péril violet, ainsi qu'on l'a nommé aux États-Unis, Lavender Scare en anglais? Mais pas du tout, non. Eh bien, il s'agissait d'une nouvelle chasse aux sorcières. Après le péril rouge, c'est-à-dire la menace communiste, le péril violet a soudain envahi les colonnes des journaux américains. Le péril violet, c'est-à-dire la peur des homosexuels. Ah oui. Alors quoi, un nouveau McCarthyisme? Exactement. Et à un moment où, justement, le macartisme s'essoufflait, la dénonciation du péril violet a opportunément pris la suite. Et l'affaire Martin et Mitchell va le populariser de façon spectaculaire. Et ça s'explique très bien. Tant la NSA, ébranlée par le scandale de la défection de ces deux transfuges, cherchait par tous les moyens à se justifier. Donc si je comprends bien, Martin et Mitchell vont être accusés d'être des homosexuels. Ah, des êtres parfaitement amoraux. Et par conséquent, des traîtres en puissance. Et ça démarre très vite. Francis Walter, le président de la trop célèbre commission des activités anti-américaines, issu de la Chambre des représentants et devenu commission permanente depuis 1945, affirme qu'un des deux traîtres est un homosexuel notoire. Il faut rappeler que c'est cette commission qui a auparavant traqué les citoyens soupçonnés d'être communistes ou même d'avoir des sympathies pour le mouvement communiste. En effet, et c'est pourquoi, parallèlement à l'action du comité McCarthy, on a parlé de chasse aux sorcières. Ici, on doit noter que ce Walter n'explique la trahison de Martin que par sa prétendue orientation sexuelle. sans essayer de comprendre ses raisons politiques ou idéologiques. En tout cas, l'accusation de Walter est aussitôt relayée par le Los Angeles Times, qui prétend que Martin et Mitchell ont comploté pour infiltrer des traîtres et déviants homosexuels au sein du gouvernement fédéral. Ça, c'est inouï, ça. Et en 1962, la Commission des activités anti-américaines publie un rapport sur la défection des deux mathématiciens. On y lit que Martin est non seulement agnostique et pro-communiste, mais il est aussi sexuellement anormal du fait de ses tendances masochistes. Quant à Mitchell, qui autrefois a posé nu pour des photos couleurs, il aurait été mis à la porte du cabinet de son psychiatre devant lequel il aurait admis avoir des problèmes homosexuels. Ouais. Bon, enfin, mais comment peut-on faire un lien entre homosexualité et traîtrise? Ce sont les journaux de l'Empire Randolph Hearst qui avancent une explication. Les homosexuels sont susceptibles de faire l'objet de chantage, et donc ils trahissent pour ne pas être dénoncés, quoi qu'il en soit. Cette campagne sur le péril violet fait florès. Et déjà au début des années 50, deux auteurs avaient publié un best-seller, Washington Confidential, où ils prétendaient qu'il existait 6000 homosexuels au sein de l'administration fédérale. Et on assiste donc au développement d'un fantasme. Alors que nul fait ne vient confirmer que les homosexuels représenteraient une menace contre la sécurité nationale. Il n'empêche. Au sein de la NSA, on commence immédiatement à chercher d'autres déviants sexuels dans ses rangs. Une petite trentaine d'employés sont virés du seul fait de leur supposée perversion. Ouais, seulement supposée. Alors, qu'en était-il réellement de Martin et Mitchell? Eh bien, la NSA a enquêté et interrogé près de 450 personnes. Mais on ne connaîtra le contenu de ce rapport que dans les années 2000. Et conclusion, hein ? Les deux amis étaient connus pour être des coureurs de jupons. Et d'ailleurs, une fois établis en URSS, ils ne tarderont pas à se marier avec des jeunes femmes russes. Toutefois, comme il fallait noircir quand même le tableau, ce rapport mentionne que Mitchell avait été un peu zoophile dans son adolescence et que Martin, adepte des pratiques sadomasochistes, fréquentait une stripteaseuse, Lady Zorro, qui satisfaisait ses désirs les plus secrets. Oui, la NSA avait décidément du mal à reconnaître qu'elle avait sciemment abusé l'opinion. Ben, il faut reconnaître que la défection de Martin et Mitchell a été le pire scandale interne que l'agence ait connu. Avant les révélations de Snowden, bien sûr. Ouais. Et que sont devenus les deux transfuges, hein? Bah, je vous ai déjà dit que c'était deux naïfs. À l'évidence, ils n'ont pas mesuré les conséquences qu'entraînait leur défection. Et d'abord pour eux-mêmes, car leur voyage pour Moscou ne pouvait être que sans retour. Ils n'en avaient pas conscience. Bah, ils ont affirmé avoir pesé le pour et le contre. S'ils avaient fait leurs révélations aux États-Unis, ils auraient été licenciés et traînés en justice pour avoir trahi des secrets d'État. Ils ont donc choisi la liberté en URSS plutôt que la persécution assurée dans leur pays. La liberté en URSS, ça sonne bizarrement. Ah, ils se faisaient des illusions sur la société soviétique et son régime. Ils s'en sont rendus compte assez rapidement. Ouais, ils ont donc compris que leur défection avait été une erreur. Oui, la vie en URSS n'a pas tardé à leur peser. Alors, concrètement, que sont-ils devenus, me demandiez-vous? Lors de la première année, tout en étant minutieusement débriefés par le KGB, ils ont pu continuer à étudier les mathématiques à l'université de Leningrad. Et ils ont reçu un salaire mensuel de $500. Et ils se sont mariés, avec en effet. Ouais. Mais Martin a assez rapidement divorcé après avoir déménagé à Moscou. Le mariage de Mitchell avec une certaine Galina, doyenne de la chaire de piano au conservatoire de Leningrad, a duré un peu plus longtemps. Des enfants? Non, ni l'un ni l'autre. En réalité, ils ont semblé plutôt préoccupés de quitter l'URSS. Et de revenir aux États-Unis. Hein. C'était leur souhait. Aussi, ils ont tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec des Américains en visite en URSS. Pourquoi? Pour leur demander de l'aide? Bien sûr. Et en expliquant qu'ils n'étaient pas animés de sentiments anti-américains. À un certain Bernard Oliver, un chercheur de Hewlett-Packard, ils ont expliqué que s'ils avaient effectivement concouru à rendre les systèmes de codage soviétiques moins sensibles aux tentatives ennemies pour les briser, ils s'étaient néanmoins refusés à collaborer avec les Russes pour casser les codes américains. Un autre visiteur, Donald Duffy, vice-président de la fondation Kaiser, Martin a certifié qu'il n'était ni un homosexuel, ni un espion, et qu'il se contentait de faire de la recherche sur les lasers infrarouges. Ouais. Mais j'imagine que ces contacts-là n'ont pas échappé au KGB. Ah ben c'est évident. Les deux hommes étaient surveillés en permanence. Une surveillance qui leur pesait, car elle signifiait que les Soviétiques n'avaient pas confiance en eux. Une autre fois, Martin a cherché à rencontrer le chef d'orchestre de jazz et clarinettiste Benny Goodman alors qu'il effectuait une tournée à Leningrad. Est-ce que ces rencontres ont abouti à un quelconque résultat ? Non, non, aucun de ces appels à l'aide n'a eu de suite. Détail intéressant, dans une interview accordée à un journal russe, Martin a confié que sa défection avait été imprudente, mais qu'il n'en éprouvait aucune honte. Cependant, la fin des deux transfuges a été lamentable, d'après les rares informations qui ont filtré à l'Ouest. Mmh. Expliquez. Selon la NSA, une information à prendre avec prudence, Martin serait devenu un incurable alcoolique, toujours possédé par ses perversions sadomasochistes. Ayant récupéré un passeport australien, il serait parvenu à rejoindre le continent américain et à 56 ans, il serait mort d'un cancer à l'hôpital de Tijuana. Et d'après un câble diplomatique mexicain, il aurait été inhumé aux États-Unis sans plus de précision. Et Mitchell ? Lui aussi, alcoolique, inadapté à la vie soviétique, il aurait sombré dans la dépression. Divorcé, il aurait essayé en vain de quitter la Russie après l'implosion de l'URSS. Et il serait mort en 2001. Fin de l'affaire Martin et Mitchell ? Ah mais pas fin de l'histoire, car il reste une interrogation. Si incontestablement la défection de ces deux hommes a été exploitée avec succès par la propagande soviétique, on ne sait pas vraiment ce que Martin et Mitchell ont apporté au service de renseignement de Moscou. Et donc, quel réel dommage ils ont causé à leur patrie ? Mais bien évidemment, les services américains ont prétendu que les deux transfuges n'avaient, je cite, « participé à aucune réussite dans le domaine de l'espionnage extérieur soviétique ». Par contre, ces mêmes services ont reconnu, mais très tardivement, que leur défection avait été un acte personnel, impulsif, conçu et initié spontanément et sans assistance. Donc sans que le KGB ait joué un rôle dans leur décision de fuir de l'autre côté du rideau de fer. En tout cas, l'initiative de ces deux premiers lanceurs d'alerte a obligé les dirigeants de la NSA à procéder à d'importantes réformes. Non pas pour réformer leur méthode d'espionnage, mais pour renforcer leurs procédures de sécurité et d'embauche. Ce qui n'a pas empêché un certain Edward Snowden de prendre la fille de l'air avec un formidable butin en juin 2013. Mais nous verrons cela la semaine prochaine. Pour terminer, je ne saurais trop vous recommander la lecture d'un récent et passionnant ouvrage, Le dictionnaire amoureux de la résistance de Gilles Perrault, qui propose là une mine d'anecdotes et de portraits de ces héros, parfois méconnus, qui, de droite ou de gauche, ont osé se dresser contre l'occupant et ses zélés serviteurs de Vichy. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez bien sûr réécouter cette émission qui a été préparée par Rémeka de Nantes, réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Joub. Et tout de suite, après le flash CO2, mon amour, de Denis Chessou.